Lainin, j'ai une bonne histoire à te raconter avant l'ouverture de l'émission, mais quoi qu'elle s'ouvre tranquillement. La sentez-vous? Lainin, la sens-tu l'ouverture? Oh, c'est pas la fermeture éclair, c'est l'ouverture dans une éclair. Un journaliste a posé une question à mon ami Jackson Pollock, t'sais, un gars qui a fait des études universitaires, là, je parle du journaliste. Il est arrivé, t'sais, avec quelque chose d'assez fort. Il s'est dit, hey, j'ai la question qui s'est jamais fait poser, j'en suis certain. Alors il dit à Jackson Pollock, comment savez-vous quand un tableau est terminé? Jackson Pollock est un peu étonné, en disant, voyons donc, ça sert à quoi de faire des cours universitaires en journalisme pour poser des questions aussi insipides, aussi insipides? Et Rance Renadien de Rallal Gagné, qui a étudié le cinéma, création littéraire, philosophie à l'université, mais qui n'a jamais touché le journalisme, malheureusement pour lui, ou heureusement, n'aurait jamais posé cette question-là. Mais moi, c'était. En tout cas, j'ai déjà fait quelque chose. Jackson Pollock lui a dit. Comment savez-vous quand vous avez fini de faire l'amour? C'est mon idole, Jackson Pollock. Aujourd'hui, le lundi 29 avril 2024, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mes amis! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Hier à 13h, j'étais à mon boulot et j'ai descendu vers la cuisine et il y avait deux employés qui étaient là et qui mangeaient face à face. N'y avait pas un son qui sortait de cette salle-là. Les deux étaient devant leur cellulaire. Ils discutaient dans le cybernétique. Elles, ces deux filles-là, étaient ivoiriennes. Ils se sont même pas parlé. Ils étaient face à face. Pas de discussion. Ils préféraient parler à des êtres qui ne sont pas présents. On est rendu là en 2024. On fait pitié. C'est incroyable. Quel siècle minable. Quel siècle minable. Quel siècle minable. Yeah. Pour la première heure, nous serons accompagnés du groupe de Hoots. De Hoots. Le Hoots. Ah, d'accord. T-H-E, espace, H-O-O-T-S. De Hoots. Qui veut dire de Hoots. Et puis, comment ça va, vous, madame? Nous aussi, tu savais, mon petit garçon. Comment ça va? Ça va? C'est une belle question, une bonne question. Toi, t'es journaliste? Non. Je suis animateur et je préfère me faire appeler réanimateur de l'émission Errance Rénadienne, qui est quand même en ondes depuis 19 ans. Ça fait 19 ans que je fais cette émission-là. Ça fait 19 ans que je ne suis pas connu et ça fait 19 ans que le public m'adore. En fait, j'ai 2-3 fans. Parce qu'il fait chaud, hein? J'ai mis 2-3 ventilateurs, là, et puis... Non, c'est le mois d'avril, ça sent le mois de mai. On s'approche, il y a un anniversaire qui... c'est anniversaire à qui? Je sais pas, c'est à qui? C'est Moustaki. Moustaki, c'est qui Moustaki? C'est un chanteur. Tu t'en connais des affaires? Non, je connais pas grand-chose, mais ce que je sais, je le sais. Quand tu le sais, oui. Quand tu ne sais pas. Moi, quand je ne sais pas, je ne sais pas. Et puis, je ne sais même pas pourquoi je suis en vie. Je ne sais même pas pourquoi je suis... On m'a mis au monde. Je ne sais même pas pourquoi je suis ici, à cet endroit précis, à cette position-là. Imagine, j'aurais pu être n'importe où, en Russie, par exemple. J'aurais pu être en Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est mon fil? En tout cas, ça peut être n'importe quoi. J'aurais pu être partout, même en haut, en bas, partout sur les côtés. Mais non, je suis ici devant vous, en fait, entre vos oreilles, et je fais cette émission-là maintenant. Être au monde, c'est être toujours déjà là. Réfléchissez à ça. Dans la vie, il faut réfléchir. Excuse-moi, moi j'ai réfléchi tellement, je suis allé voir mon médecin. Il dit, moi j'ai de la misère à dormir, je réfléchis trop. Le médecin dit, à quoi vous réfléchissez, mon cher monsieur? Je réfléchis. Ouais. On va vous donner de la médication. On va taire le hamster. On va le ralentir. OK, d'accord. Alors, c'est quoi la posologie? C'est au lever, au coucher. Et puis, entre ça, ben, on vous vend parce que l'entreprise pharmaceutique compte sur vous. Prenez de la pilule. Vous êtes important pour eux. Et de la bonne pilule, hein? Puis si vous en mangez trop, là, c'est pas grave, vous coupez votre repas du soir, là, puis prenez 3-4 pilules, ça va remplacer. Ah oui. Vive la pilule. Tout le monde est sa pilule. Non, c'est tout à fait réglementaire. On n'est pas dans... on n'est pas dans le fautif. N'appelez pas. Ben appelez, c'est correct. Pour dire que cette émission est extraordinaire. Quel réanimateur. Il fait mon lundi. Donc, il part ma semaine, puis on dirait que le vendredi, je me sens comme dans un tournant en me disant, j'ai-tu hâte de passer ma fin de semaine pour écouter l'émission du lundi? C'est tellement constructif! On se sent plus intelligent que l'animateur, mais ça, c'est pas compliqué, là, hein? Non, soyons honnêtes. Est-ce qu'on ce soir, là, en ce 29, est-ce qu'on peut être honnête? Moi, j'ai toujours été honnête, hein? Moi, je suis un polyamoureux. Alors, tu sais ce que ça veut dire, un polyamoureux? Ah oui. Alors, c'est plusieurs histoires d'amour, hein? Donc, on peut vivre plusieurs aventures, peut-être exagérées, mais des passions amoureuses, pas uniquement avec la même personne. Donc, on peut, c'est comme un film, hein? Un film, tu peux regarder plusieurs films. Et tu peux en revoir d'autres, hein? Donc, alors, quand tu en revois, tu peux rencontrer la personne plusieurs fois, mais elle n'est pas exclusive dans ta vie. Mais elle est importante, elle est aussi importante que les autres. C'est ça, être polyamoureux ou polyamoureuse. C'est une ouverture sur l'autre sans être exclusif. C'est pas merveilleux, ça? Ça, là, c'est beaucoup plus important que le cellulaire, là. Les deux moineaux que je vous parlais, là, les Ivoiriennes, qui étaient face à face, devant leur cellulaire, pas un son, pas une musique, rien, pas une discussion, même pas leur accent sublime que j'aime bien entendre. Moi, c'est de la musicalité. Pas de musicalité, rien. Juste là, devant leur écran cathodique, leur écran celluloïde. Eh bon, tout que la vie est triste. Pour la majorité. Tu prends l'autobus, tout le monde est sur cellulaire. Moi, je peux pas. Non, j'ai un téléphone intelligent depuis pas grand temps, même pas un an. Mais je suis pas branché en réseau. Si j'ai pas Internet, ça fonctionne pas. Dans l'autobus, il n'y a pas Internet. J'ai pas accès à mon cellulaire. Puis appeler du monde, je connais personne. Ah, je connais personne. Je te dis, moi ma vie, ma vie, c'est le pire, c'est vrai. Ma vie de tous les jours, personne. Personne ne m'appelle. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'amis. J'en ai pas d'amis, moi, là. Ah, non, ah, non, ah, non. Pourquoi? Pas parce que j'en veux pas. Ça n'a pas à donner. Ça n'a pas à donner. Puis l'amitié, comme disait mon Eric à un moment donné, au début, il y a des années, là, je vous parle de 40 ans. Oh, peut-être pas 40, j'exagère. 35 ans. Il me disait, hey, pour avoir des amis, là, il faut réfléchir. Avons-nous le temps d'avoir un autre ami? Hein, je dis, voyons donc, lui. Parce que lui, tu sors avec ce gars-là, ben, à l'époque, tu sortais avec ce gars-là. Tu arrivais sur la rue Saint-Jean, il se faisait dire Hey, salut Eric! Là, elle s'arrêtait pas. On pouvait pas parler sans se faire interrompre. Tu sais, une vedette, puis lui, là, mais il était pas connu, Eric, c'est pas un gars connu, ben, il est connu de ses amis, mais il connaît tout le monde. Il travaillait pas avec le public, là, à l'époque. Ah, oui, il a travaillé, ouais, il a commencé à travailler avec moi, comme, oui. C'est moi qui l'ai entraîné, comme caissier. Mais sinon, tu sais, il n'y avait pas une vie publique comme un journaliste ou un gars de télévision. Mais il connaissait tout le monde. C'est un gars social. Moi, je me considère comme social. Mes clients me connaissent. Quand je fais des commandes au téléphone, on me connaît, on m'aime bien. Bon, je les aime aussi beaucoup. Je les respecte parce que moi, j'adore les personnes âgées et la majorité sont âgées. Donc, il faut aller selon. Il faut respecter tous les âges et tous les cycles d'âge. Et moi, ces gens-là, ceux qui sont à peu près 75 et plus, 80 et plus, ben, je suis plus attentif, je suis plus, comment dire, à l'écoute. Attentif à l'écoute, c'est synonyme, hein? Oh! On n'a pas peur d'avoir du vocabulaire à CKRL et surtout à Errance canadienne. Quel vocabulaire? Avez-vous entendu? Hey, depuis mes 19 ans, en passant, pardon, depuis mes 19 ans, m'avez-vous déjà entendu dire dans le fond? Avez-vous déjà entendu dire du coup? Je répète souvent les mêmes mots, tu sais, dans mon émission, là, comme l'émission, ça fait combien de fois que j'ai dit émission dans mon émission? Souvent. Mais dans le fond, pas vraiment, hein? Juste pour rigoler, juste pour vous l'amener comme propos. Puis du coup, ben, comme je suis pas français, je dis pas du coup. Il n'y a pas un Québécois qui dit du coup. Parce que nous autres, du coup, on a mal du coup, hein? Ah, ben parce qu'on est des girouettes. On tourne à gauche, à droite, et puis, ah, oui, là, et puis surtout quand t'as beaucoup d'amis, hein, ah oui, c'est toi qui parles, c'est toi qui parles, mais moi, j'en ai pas, c'est pas parce que j'ai pas, je travaille pas là-dessus, ben, pour moi, les amis, c'est comme le reste, si ça n'arrive pas, naturellement, faut pas chercher, ah, non, puis en même temps, j'aime bien la solitude. J'aime bien me retrouver ici au micro, dans mon studio, à vous parler, à vous faire partager des amis. Puis, hey, quand je m'en vais à Paris, je suis connu par. Hey, ça, c'est une autre histoire. Les artistes sont subjugués quand je rencontre, disons, un chanteur, une chanteuse, et puis on commence à parler. Puis là, je me fais toujours arrêter. Ah, oh, bonjour Renal, tu es à Paris! Puis là, les artistes qui sont là, qui me voient pour la première fois, mais regarde, t'es bien connu à Paris. Ben oui, en plus, c'est la même rue, même. Je m'en vais dans le même univers. Ça me plaît. Ça me plaît. C'est pas des redondances. C'est pas une redondance. C'est le fait d'appartenir à quelque chose. Donc, j'ai beaucoup plus d'amis là-bas que j'en ai ici. Mais pas parce que j'ai travaillé, c'est venu naturellement. C'est comme un accouchement. Déclenche pas. Attends que ça arrive. Déclenche pas. Attends que ça arrive. Hey! Là, moi, t'es obligé de déclencher, moi, là. Déclenche, mon Rosa. Déclenche. Ah ouais, vas-y. Hey, veux-tu? Bon. Excusez-le. J'adore. Alors, imaginez-vous. Nous sommes rendus à 20% de l'émission. À peu près, hein? 20 minutes, 20%. Mais ça marche pas comme ça, voyons donc. La première... De un, moi, t'expliquer ce qu'il faut arriver. L'émission est en deux volets, oui. Premier volet, c'est improvisation, OK? Et puis, deuxième volet, c'est tes rencontres radiophoniques. Oui, ça, je le savais. Mais là, tu dis 20%, là, c'est 20 minutes. C'est juste, tu as juste passé 20 minutes. Oui. Alors, on est à quel moment du segment de l'émission? Le segment d'émission, ça ne saigne pas. Ça saigne, cette émission, Amando. Dois-je mettre un pansement sur le micro ou sur la bouche de l'animateur? Non, mais qu'est-ce qui se passe? Oui? Oui, y a-t-il des caillots? Êtes-vous statique? Avez-vous des tics? Cherchez-vous l'asticot? Voulez-vous la Saint-Ambroise, la fortune? Pourquoi les enfants montent mal? Vous dites, what's up, moi? Tu peux être ma chère? Quelle évolution de l'espèce? Sinon, comment vas-tu, toi, mon ami? Comme le chantait. J'allais dire, comme. Non, je le dis pas. Maxime Leforestier. Hein? Maxime le forestier. Je sais, j'ai eu la baboune qui a comme... qui a été en grève pendant 2 secondes. Avez-vous entendu? Hey, la baboune en grève, c'est ce que ça donne. On les paye pas. Hey, tu payes pas assez tes babounes. Comment tu payes tes babounes? Ben là, je paye pas mes babounes. Comment ça? Ben ça fait partie de mon visage. Ouais, mais Mick Jagger, il doit payer ses babounes. Ah ben lui, je sais pas. Mais il y en a une belle paire. Hein, une belle paire de baboune, hein? Hey, moi, là, j'ai toujours été envieux de Mick Jagger. Pourquoi? Pour ses deux paires, des belles grosses paires de babounes. Oui, les babounes, en passant, pour les gens qui connaissent pas vraiment les consonances québécoises, les expressions, c'est des lèvres. Les lèvres du visage. Non, voyons! Reste calme. Couche-toi par terre. Fais le serpent. Change pas de peau. Reste tranquille. Monte ton nombril. Va chercher le journal. Avec ton nez. Sniff mon journal. Il y a 3 pages dans le journal. Ça coûte 15$ pour 3 pages dans le journal. Puis elle fait pas mes mots croisés puis ni mes acrostiches. Il n'y a plus d'acrostiches. Je fais pas mes mots croisés. Y a-t-il encore des mots croisés dans le journal de 3 pages? À 15$. Hey, c'est-tu beau, hein, l'évolution? Moi, j'aimais ça, sentir le papier journal. Tourner les pages. Prendre une petite pause dans la nécrologie. Voir si j'étais pas mort. Moi qui n'ai pas trop vivant. Après ça, les petites annonces tassées. Ah, ça se tassait, les annonces. Ça coûtait cher, hein, une annonce tassée. C'est pour ça qu'ils tassaient ça. C'était tellement petit, avec ma loupe, là, je pouvais arriver. Mais si je regardais ça en plein air, je mettais le feu au journal. Ben oui, pas ma loupe, le soleil, feu, hein? Papier journal, loupe, soleil, feu, association, d'idées, ouais, dis-les, mettre le feu, pas pète, non, pas, ben voyons, non, c'est pas ça, c'est un, comment tu chantes, un bachung, non, c'est un pyromane, au cobre, elle m'arrive ça l'entendre, on me fait-tu un cadeau? J'aspire. J'ai les mains.

Je trouve que c'est un beau québécisme. Il y en a un autre, c'est avant midi. Avant midi, c'est la matinée ou le matin. Ça, tout le monde le savait, c'est pas compliqué. Bande de neige, ben ça, c'est des rabelais de neige. Le rabelais de neige tombe dans ma vallée. Le rabelais de neige. Est-ce que ça a un lien avec Rabelais? Excusez. Est-ce que ça a un lien avec Rabelais, madame? Vous connaissez pas Rabelais? Bon. Oh non, vous avez le droit de pas connaître. Sur les restes d'un vieux car à cause du bon chaud. Ou bien que je me mouille. J'ai ma dernière surprise partie, je m'écrase le nez, oui blou. J'ai mon contrat de confiance, l'encéphale qui faut, j'ai que le. J'en vois un qui rigole. Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas en baisser la nuit. Je vais pas dormir chez des conneries. Oh Gabi, Gabi, tu veux que je te chante la mer. Le long des cols. Pas très clair. En regardant les résultats de son check-up. Un requin qui fume et plus à rallumer son club. Ça fait frémir. Faut savoir dire stop. Tu sais, t'es comme ce type qui voudrait que je me soigne. Et car mon action club, sur moi tout en Espagne, j'en comme un vide. Remets-moi Johnny Kid. Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas me blesser la nuit. Fais pas dormir, je fais que des conneries. Oh Gabi, Gabi, tu veux que je chante la mer. Le long des gueules. Pas très clair. Je voudrais vous présenter Toxy. Au synthé, Jean-Pierre Pilot. À la guitare, Jean Cadic. À la batterie, Jean-Mi Truand. À la basse, François Delage. Coincé dans mon fil, bon. Et puis, il y a Beng. Beng. Terme québécois

Bernard Pisani. Il est comédien, metteur en scène, homme de théâtre, homme de radio, un esprit sain dans un corps sain. Alors voici Bernard Pisani. Bonjour Bernard. Comment vas-tu depuis un an? Ben ça va bien, mais on s'est vu l'année dernière, mais c'était très rapide. Ben oui, parce que il y avait un problème terrible, c'est que j'avais un rendez-vous trois quarts d'heure après ou je ne exactement, sais pas. Exactement, exactement. Ouais. Mais tu es toujours en fonction, on te voit toujours, comme je le disais tout à l'heure, tu es sur des projets, tu en termines, tu recommences un autre. Ah ben, mais heureusement. Tu veux que je te dise, c'est ça la jeunesse. Voilà. Non, non, mais... Ben, tu sais, ça vient d'une chose. Oui. Reynald, ça vient d'une passion pour le métier. Je peux même pas dire que c'est un métier, c'est un état. Voilà. Je suis venu au monde, même tout môme... J'aimais la musique, j'aimais tout ça, mes parents me l'ont dit, et puis après je suis rentré à l'opéra. Mais je ne serais pas rentré à l'opéra si jeune, je serais venu moi-même au spectacle. Ça, c'est une évidence. Mais... Et la passion est là. Mais Bernard, l'opéra, ce n'est pas quelque chose que l'on entend enfant, règle générale. C'est plutôt la pop, donc tes parents étaient très, très érudits. Ben, c'est-à-dire que, franchement... Maintenant, avec le recul, maintenant qu'hélas, mes parents ne sont plus là, je me dis que j'ai eu de la chance. D'avoir des parents comme ça? Oui, parce que mes grands-parents, paternels et maternels, on vient de loin, parce que c'était... C'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais c'était des paysans italiens, mais pas... c'était pas Rome ni Naples, tu vois, c'était le bled d'Italie. Donc... Des fois, quand on parle avec mes cousins, on dit qu'on revient de loin. Ouais. Parce que les grands-parents, c'était... Bon. Ils sont arrivés en 1914. Ils sont fait naturaliser français. Et même, je regrette une chose. J'aurais aimé parler complètement italien et bilingue. Mais à cause d'eux, ils ont voulu tellement s'intégrer. Et c'est bien aujourd'hui, là, quand on entend ça. C'est un fait de rareté quand on entend ça aujourd'hui. Oui. Parce qu'en France, ça je fais une parenthèse, il y a des gens qui devraient s'intégrer, oui. qui ne s'intègrent pas. Oui, on les invite. Alors, qui suivent un peu nos... Ils ne s'intègrent pas, ils ne veulent pas s'intégrer. Oui. Mais en revanche, ils profitent de tout ce qu'il y a ici. Oui. Je ferme la parole. Oui. Voilà. Mais Bertrand, toi, c'est toi qui t'as comme... qui t'a éduqué, qui t'a donné le... Mais attends, oui. les grands-parents ont fait ça. Mais mon père et ma mère sont nés en France. Oui. Bon. Donc, ils ont entendu toujours parler... Mon père parlait mieux italien que ma mère. Ma mère... Mais, alors, quand j'étais môme, c'est comme ça que j'ai appris quand même des bribes. Je peux arriver à suivre une conversation en italien, mais moi, j'ai du mal à parler. Mais je peux saisir l'essence, le sens de ce qui est dit. Okay. Parce que quand j'étais môme, mes parents, quand ils souhaitaient... que je n'entende pas ce qu'ils disaient, parler en italien. Oui, oui, oui. Jusqu'au jour où un jour je leur ai dit, j'ai compris ce que vous avez dit. Oh. Mais, bon. Et j'aurais pas dû le dire. Voilà. Alors donc, j'ai les bribes. Mais en même temps, c'est drôle comme quoi les origines. Je suis né en France. Mes parents sont nés en France. Mais je peux te dire que je suis attiré par l'Italie. Les racines. C'est sûrement les racines. Ben oui. Et... je me fais peut-être une image trop positive de l'Italie. J'y suis allé un petit peu, je connais. Malheureusement, je ne suis pas resté trop longtemps à Rome. Mais je suis allé 3 fois à Venise, par exemple. C'est à tomber à la renverse de beauté. Moi, je suis allé à Milan. T'es allé à Milan ? En 89. Je ne connais pas Milan. J'aimerais un jour aller à Milan pour avoir le plaisir d'aller à la Scala. Oui. Depuis le temps qu'on en parle. Mais oui, tu vois ? Oui. Je ramène toujours tout au théâtre, moi. Ben, bon. C'est bien, ben oui, mais c'est ta raison de vivre, et, entre autres. Et donc, ce qui est formidable chez mes parents, tu te rends compte, à l'âge de 8 ans, je suis rentré à l'Opéra de Paris comme danseur. Tu vois l'ouverture d'esprit de mes parents. Mais à quel moment tu as voulu danser? Parce que c'était pas encore quelque chose. Alors, je vais te dire, ça a été un concours de circonstances heureux. J'avais 7 ans. Oui. J'étais en vacances avec maman, à Arcachon. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, oui, Arcachon. C'est sur l'Atlantique. Oui. Voilà. J'étais en vacances à Arcachon, j'avais 7 ans. Et, bon, je n'ai jamais été très grand pour mon âge, parce que, de toute façon, mes parents ne faisaient pas 1m92. Donc, je ne pouvais pas être... Non. Bon. Donc, maman s'est liée d'amitié avec un couple dont l'homme... était dans la troupe de l'Opéra de Paris, ténor. Mais pas dans la troupe, dans les chœurs, dans les solistes. Oh, okay. Parce qu'à l'époque, il y avait une troupe à l'Opéra. Et donc, on se voyait tous les jours. Et maman disait, « Oh, Bernard, il ne grandit pas comme je voudrais, etc. » Bon, bref, etc. Bon. Et un jour, le chanteur qui s'appelait René Verdière dit à maman... mais il faudrait qu'il fasse du sport, votre fils, il grandirait, etc. Moi, je peux le faire rentrer à l'opéra, il fera de la danse. La danse n'a jamais fait grandir personne. Mais non. Mais c'est plus qu'un sport, c'est inimaginable. Bon. Et maman, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais en train de faire des pâtés sur le sable. Maman me dit, tu vas rentrer à l'opéra pour faire de la danse? Et j'ai dit oui. Mais en fait, c'est une boutade. Non. Ok, c'était réfléchi. Ah, mais ma mère... Non, mais toi... Ben, moi, j'ai dit... Lorsque t'as dit oui, c'était... Mais parce que j'ai entendu le mot danse. OK. Donc, déjà, le mot danse. J'entendais de la musique à la radio, je dansais, moi. Ben, je suis rentré à l'opéra. Pour apprendre à danser. Ouais. Oui, parce que... C'est quand une école. Quand je suis rentré à l'opéra, je ne savais pas mettre un pied devant l'autre. Donc, l'opéra m'a tout appris. Et... évidemment, j'étais pas assez grand pour faire une carrière comme j'aurais voulu, et j'ai bifurqué après vers autre chose, le théâtre, etc., le chant, la comédie musicale et tout, et j'ai pas arrêté. Non, mais Bernard, ça t'a permis aussi de comprendre le danseur, ça t'a aussi amené à saisir comment fonctionnait la danse, comment fonctionnait le corps humain. Mais ça m'a amené surtout à une ouverture d'esprit sur la culture, parce que tout jeune à l'opéra. Bon, maintenant, on le fait un peu moins parce qu'on fait attention aux enfants, les pauvres chéris, il faut qu'ils dorment à telle heure, etc. Bref. Moi, je suis de l'ancienne école. Moi, j'aime bien les enfants qui font du théâtre, du machin, etc. Ouais, ouais. Et qu'on nous emmerde pas la vie avec, avec des règles et des machins. Maintenant, c'est devenu insupportable. Mais on faisait de la figuration dans les opéras. Donc, à l'âge de 10 ans, 11 ans, j'entendais Faust, j'entendais Carmen. Alors, ça a été ton école? Oui. Parfaitement. T'alimenter. Bon, alors maintenant, j'ai tellement entendu Carmen que maintenant, j'en ai ras-le-bol de Carmen. OK. Ah! Alors que c'est un chef-d'œuvre. Oui. Mais j'en ai marre. Je ne... En fait, c'est un standard aussi, là. Oui, mais j'en ai marre. Oh, oui, c'est ça. Mais comme les standards, comme les... C'est un hit classique. Je c'est l'ai comme mis... il y a des hits populaires. Je l'ai mis en scène, Carmen, dans un festival. Oui, oui. Donc, j'ai bien... C'est pour ça aussi que... Ah, j'en ai ras-le-bol. Oh, oui, mais là, tu connais toutes les tout, rouages. Tout, tout, tout. Et même les côtés moins réussis. Oui. Tout. Tu sais que là, t'en as, on arrête ça. Même les tubes, les tubes de Carmen. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est comme la pop. Il y a... Il y a des... Merci. La célèbre aventureuse de Châtillon à Méry et son humeur voyageuse flâne à travers le pays. Elle se fait langoureuse de Juvisy à Choisy pour aborder l'âme heureuse, l'amoureux qu'elle a choisi. Elle coule, coule, coule, dès qu'elle entre dans Paris. Elle s'enroule, roule, roule, autour de ses quais fleuris. Elle chante, chante, chante, chante, chante le jour et la nuit, car la Seine est une amante et son amant c'est Paris. Elle traîne d'île en île, caressant le vieux Paris. Elle ouvre ses bras dociles au sourire du roi Henri. Indifférente aux édiles de la mairie de Paris, elle court vers les idylles des amants des Tuileries. Elle coule, coule, coule dès qu'elle entre dans Paris. Elle s'enroule, roule, roule autour de ses quais fleuris. Elle chante, chante, chante, chante, chante le jour et la nuit, car la Seine est une amante et son amant c'est Paris. Elle chante, chante, chante, chante, chante le jour et la nuit, car la Seine est une amante et son amant c'est Paris. Ah oui, en même temps c'est un chef-d'œuvre, c'est vrai, mais c'est tellement rabâché, tu vois, encore à Orange, tu sais, tous les ans, il y a le... Eh ben Orange c'est Carmen cette année. Ben, je ne regarderai pas. Ben, c'est comme Roméo et Juliette, ça a déjà tellement été joué qu'à un moment donné, c'est... ils en ont même, ils l'ont même présenté au cinéma. Ils en ont fait deux films. T'en peux plus à un moment donné. Oh, oui, à un moment donné, on va changer de disque. Et tu vois, j'ai eu la chance, le dernier ouvrage lyrique que j'ai mis en scène, c'est un ouvrage de Bizet. Bizet est un génie, mais c'était Les Pêcheurs de Perles. Et je lui ai écouté cette musique tout d'un coup. Et il paraît, j'espère que je ne te dis pas une bêtise, je crois que Les Pêcheurs de Perles a été composé par Bizet, c'est une œuvre de jeunesse. Tu vérifieras si je te dis une bêtise ou pas, mais je crois qu'il n'avait pas 20 ans quand il a composé Les Pêcheurs de Perles. Mais moi, je trouve ça plus beau que Carmen. Ben, et puis en même temps, c'est pas parce qu'il était jeune, Rimbaud a écrit toutes ses œuvres avant 18 ans. Donc, exactement. Et il a dit quelque chose de tellement intéressant, puis aujourd'hui, on se cache derrière notre âge quand on parle avec un jeune de culture. Non, mais moi, écoute, j'étais pas né. Okay, pour nous dire qu'il ne connaît pas, je ne sais pas, n'importe quel sujet là, artistique, mais Rimbaud disait, j'ai 18 ans et je dois tout savoir. C'est pas parce que tu as 18 ans que tu dois être un ignorant, un imbécile. Oui. Mais alors là, tu fais référence quand même à une époque où la culture s'était représentée avec un C majuscule. Oui, tu vois. Oui. Maintenant, le C majuscule est devenu C minuscule. Oui, oui, oui. Puis je pense qu'il se trompe entre le C et le Q. C'est ça. Parce qu'il ne sait plus comment écrire culture. Voilà. Oui, avec un Q maintenant. Oui, ouais. Exactement. Mais alors, c'est vrai quand même. Je vais régulièrement voir des concerts, des machins, etc. et tout. Il n'y a pas longtemps, il y a quoi, il y a deux semaines, je suis allé voir La Bohème au Théâtre des Champs-Élysées. On t'invite pour aller voir ces pièces-là, là. Ben, c'était plein. Ok, mais toi... Je veux dire, c'est plein. Oui. Donc, il y a c'est quand même... C'est merveilleux. Oui. Et puis la production était magnifique. Il y a quand même... Et ça me rassure quand je suis dans une salle d'opéra ou de concert et que je vois que c'est plein et que je me retourne et que je vois des jeunes. Oui. La transmission. Oui. Alors, mon regret, tu vois, quand je te disais tout à l'heure que la France n'a pas bien réussi son immigration, ça, je... Oui. C'est que j'aimerais voir des jeunes issus de cette minorité oui. s'intéresser à ce genre ben d'ouvrage. Oui. Ben oui. Pas du tout. Il faudrait les voir sur scène. Ils pas ont quelque tout. Chose à dire. Aussi. Pas du tout. Non. Et pourtant, il y a des directeurs d'opéra qui font des efforts. Moi, quand j'ai monté... Enfin, souvent, quand je monte des ouvrages d'opéra, il y a des élèves qui viennent voir les répétitions, qui viennent voir la générale, et puis après qui parlent avec les artistes ou les metteurs en scène. Eh bien, j'en vois. Ils te posent des bonnes questions. Ils sont curieux. Mais maintenant, ce qu'on leur donne pour avoir la paix, on leur donne un ballon. Tu vois. Ouais, ouais. Alors le ballon, moi, j'en ai ras-le-bol. Ouais. Ouais. Le ballon, voilà. Mais il y a autre chose aussi que le sport. Mais faites-leur écouter Mozart. Ouais. Même si tout d'un coup, ils vous disent qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. On leur explique. Aussi. Oui, c'est exactement. Exactement. C'est ça. C'est ça la transmission. Mais c'est ça qui manque en France. Partout. Partout, je ne sais pas, mais il y a peut-être des pays qui sont peut-être un petit peu plus. Peut-être. Plus élevés sur le plan culturel pour une bonne transmission. Non, madame, non, ne m'approchez pas, je vous en prie, madame, non, ne me touchez pas, oh, par pitié, madame, ne battez pas les cils, je suis fragile. Non, madame, non, je ne danse pas, voyez ailleurs, madame, et à une autre fois, j'ai rendez-vous, madame, ce soir. Avec mon spleen et ma déprime. Depuis que Rosemond m'a quitté pour un danseur un peu pédé, un Canadien, un étranger, moi j'ai le corps tout écorché. Non, madame, non, ne me dites rien, mais s'il vous plaît, madame, que fait là votre main? Je ne suis pas, madame, celui que vous croyez. Je suis un homme. Un homme, madame, rien qu'un homme brisé. Un homme mort, madame, un homme trépassé. Alors, madame, cessez de me chatouiller les hormones. Depuis que Rosemonde m'a quitté pour ce petit con, ce petit pédé qui a une perruque et un faux nez, moi j'ai le corps tout écorché. Mère, madame, et oui, et pourquoi pas, si ça vous chante, madame, de brûler mes appâts. Bon appétit, madame, feu vert, dégustez-moi, mais de la tendresse. Je veux, madame, tout au long de la nuit, des mots d'amour, madame, et que tu m'appelles chérie, et gare à toi, madame, si c'est pas le paradis, gare à tes fesses. Depuis que Rosemonde s'est perdue, les femmes, je ne m'en souviens plus. J'ai essayé, oui, mais j'ai pas pu. Voilà, ça y est, je suis tout nu. Oui, madame, oui, dévorez-moi. Non, madame, pas là, mais plutôt là. Ah, madame, ça s'est pas défendu. Sacré friponne. Mais c'est pas mal du tout. Si tu veux bien, madame, je serai ton toutou. Oh, madame, avec toi j'ai enfin trouvé mon or. Oh, oh, oh, oh, oh, mais... Alors j'ai l'air de dénigrer la France, mais en tant que Français, je peux dire ce que je pense. Ben oui. Voilà. Ben oui. Moi, je suis désolé. Ayant connu des moments, des périodes de brillance extrême dans ce pays, de voir la dégradation culturelle de ce pays. Franchement. Mais Bernard, pour ce qui est de la culture, tu as touché à tout, à la radio, au cinéma, à la voix, à la musique. Tu as fait un disque extraordinaire sur des reprises de Gainsbourg et tous les autres. Ah oui, que tu parles de mon ben disque. Oui, que l'on entend à travers notre rencontre actuellement. Donc, mais j'ai entendu ce que tu m'as envoyé de la dernière... Tu as diffusé 3 ou 4 chansons, etc., dont Gainsbourg, justement. Oui. J'ai même débuté avec Brel instrumental. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, sur la chanson « Ces petits riens », oui, où je parle avant de chanter. Oui, oui. Ça, je voulais il y a 2 versions. Oui, ouais. Ça, je voulais le faire. Parce que... Mais en plus, c'est une... Le maniement des mots est extraordinaire. Oui. Et on l'entend moins avec la musique, parce qu'il y a la musique qui parle. Mais quand on le dit... C'est vrai. Mais quel intérêt... toi, lorsque tu étais petit, tu écoutais de la chanson française aussi? Oui. Ah ben oui. Oui, parce qu'on était moins envahis par les Anglais. OK. Parce que j'aime bien les Anglais, mais il y en a ras-le-bol. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Voilà. Moi, je serais un politique important... J'exigerais que certains mots anglais, on ne les dise plus et on les transforme en mots français. Je te disais tout à l'heure, les mails, moi ça m'emmerde. Oui. Voilà. Je préfère dire courriel. Mais comme un imbécile que je suis, je dis mail. Mais tu sais aussi que podcast a été francisé par balado diffusion. Oui. Oui. C'est beau. Oui. Mais c'est au Québec que ça s'est fait. Mais oui, mais attends. Courriel aussi. Mais on remercie le Québec. Mais je veux revenir à la chanson française et celle que tu as choisie, un peu comme un jardinier choisit ses fruits. Les plus jolies fleurs ou les plus jolies plantes. Exactement. Ouais. Est-ce que ça a été difficile de choisir? Le choix? Ah ben oui, parce que il y en a quand même pas mal. Oui. Il y a des chefs-d'œuvre que j'ai pas mis. Oui. Parce qu'il n'y a que 18 chansons sur un CD. Mais oui, il y en a. Il y a du Francis Lemarque, oui, qu'on remercie vraiment pour ce qu'il a apporté à la chanson française. Et il faut le dire. Mais c'est pas juste la chanson, c'est une présence. Merci Francis Lemarque. Oui. Ça fait partie. Francis Lemarque a merveilleusement chanté la France. Oui. Et on n'en parle pas beaucoup. On parle plutôt de Ferré, de Brel, de Gainsbourg. Oui. Ouais. Parce que. On parle de Ferré parce que. Attends, je vais essayer de trouver le mot juste. Parce que Ferré. C'est quelqu'un qui a beaucoup dérangé aussi. Ben oui, c'est un anarchiste. Voilà. Et donc, comme tous ceux qui dérangent, ils arrivent tellement à déranger les gens qu'il y a quelque chose qui reste après.

même s'il y a des gens de grand talent, j'aime pas les gens qui gueulent dans la chanson. Et pourtant, j'adore Piaf. Oui. Mais Piaf, elle gueulait pas. Piaf, c'était... C'était le cœur qui... Piaf, c'était inimaginable. Et tu vois, ça fait quand même longtemps qu'elle est morte, etc. Et tout. Et même pour moi, c'est, comme c'était... c'est une ancêtre. Ouais, c'est comme si c'était hier. On la voit ici. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Hier, il y avait une émission à la radio. France Culture ? Non, sur Europe. Okay. Il y a une émission le dimanche de Didier Bardelivien. Oui, oui, oui. Le chanteur, ouais. L'auteur-compositeur. Et il avait un invité que je ne connaissais pas, mais qui a eu, alors, il y a longtemps, hein, qui a eu plusieurs boîtes, etc., où venaient tous les artistes. À Paris. Et alors, le style de l'émission, c'est que la personne qui est là, qui est invitée pendant une heure, parle de sa vie, mais choisit des chansons. Il y a cinq chansons. Oui. Il avait choisi Milord de Piaf aussi. Et donc, en même temps, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu Milord. Je l'ai réécouté et je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que c'est bien foutu quand même. C'est quand même génial. Et c'est vrai, c'est génial. La musique aussi. Puis quand la voix entre dans la chanson, c'est... Mais c'est puissant. Mais c'est une pièce de théâtre en miniature. Oui. Elle parle à Milord qui a des chagrins d'amour. Puis tout d'un coup, elle lui demande de lui sourire. Elle lui demande de chanter, de danser. Et on le voit chanter et danser. Oui. C'est inimaginable c'est quand vrai. Même ça. C'est vrai. La force. Ça, c'est l'interprétation. Alors, bon, évidemment, il y a des chanteurs... actuellement, c'est marrant, je suis en train de chercher, mais j'ai pas de chanteuse actuellement préférée. Okay. J'aime moi Vincent Delerme. Oui, ben oui. Ah ben lui, c'est un littéraire aussi, ben, son père l'était. Mais, exactement. Mais même ses chansons, il y a les voix de Fanny Ardant. J'adore, il y a Benabar que j'adore. Okay. Calogero. Oui. Tu vois ouais. Et je me dis, mais merde. Je vois pas de chanteuse dans ces âges-là. Non, j'en vois pas. Il y a ces trois garçons-là, quand je les écoute... Alors, je te dis pas que je me précipite pour acheter leurs disques, mais je les écoute avec plaisir. Lorsque ça passe à la radio, t'es... Ah, j'adore. Ouais. J'adore. D'ailleurs, je devrais m'acheter... Mais j'ai pas le temps. J'ai une discothèque et une vidéothèque chez moi énorme. Et la vie est faite d'une telle façon... Que t'as pas le temps. Que je me prends même pas... En parlant de Piaf... Il y a eu à un moment donné une réédition, heureusement, je me suis précipité dessus, de CD, parce que moi je défends le CD. Oui, ben oui, moi aussi. Bon, oui, je défends le CD. De 5 ou 6 CD de plusieurs époques de Piaf en direct en public à l'Olympia. Oui, ok, oui. Et je les ai. Okay. Et j'aime autant te dire que ça, il ne faudrait pas qu'on y touche. L'atmosphère de ces disques. Et la sonorité ? La sonorité géniale. J'aime bien la couleur. J'aime bien la couleur de l'époque aussi, ouais, tu vois. Ouais. Et en public. Oui. Mais c'est comme Brel en public à l'Olympia. Mais c'est deux monstres. Voilà. Mais je vais revenir à ton disque parce que je l'ai trouvé délicieux. Je le diffuse à travers mes émissions sans... Tu le diffuses de temps en oui, temps? Ben oui, ah, oui. Ah, mais c'est génial. Oui, mais je tire parce qu'en fait, lorsque tu as fait ce disque-là, avais-tu le choix de le faire en studio aussi ou tu voulais le présenter mais moi, en je voulais, direct? Mais non, je voulais rien. Je vais te dire comment ça s'est passé, ce disque. À la culture. À l'Étienne. Francophone. Je vais te dire comment ça s'est passé. Le directeur de l'Opéra de Limoges m'a proposé de faire un concert, un récital, parce qu'il m'entendait toujours parler des chansons françaises, etc. Alors j'ai dit oui, et puis c'est lui qui m'a proposé un accordéoniste en plus du piano. Et il y avait une date qui était fixée, etc. D'ailleurs, je te signale que ce tour de chant, je ne l'ai fait qu'une fois. Oh oui, c'est ça, ben oui, j'ai oui jamais c'était refait. Sur la pochette. Une fois. Et le jour de la représentation, C'était plein. D'ailleurs, tu entends, bon, oui. Oui. Mais le son était incroyable. Mais le régisseur, que je connaissais bien parce que j'avais fait des mises en scène à... J'ai fait des mises en scène à l'Opéra de Limoges, etc., donc je connais. Il l'a enregistré, mais sans me le dire. Et à la fin, j'étais content, ça s'était bien passé. Il me dit, tu sais Bernard, j'ai enregistré. Et oh, je le disque n'était pas prévu. Mais non. Et je lui ai dit, oh, bah, tu me feras écouter parce que pour voir comment c'était. Et quand j'ai écouté, je me suis dit, mais le son est excellent. Excellent, c'est vrai. Stéréo, on entend les gens autour. Eh bien, je me suis dit, je fais un CD avec ça. C'est moi qui l'ai produit. Oui. Qui, en même temps, me sert de... Alors, déjà, pour des amis, ou des amis du Québec. Ben aussi. Oui, ben oui. Bon. Mais aussi, il me sert de promotion. Oui. Parce que ce récital... C'est une carte de visite. Voilà. S'il n'y avait pas eu le Covid, je l'aurais refait plusieurs fois. Ah, c'est ça qui a... Bon, voilà. Mais il y a eu le Covid, bon, bref. Mais... C'est pas dit hein, que je le repasse pas. Et donc, eh ben voilà, je l'ai fait tirer. J'ai fait tirer à 600 exemplaires, je crois. Voilà. Et j'en ai donné pas mal à mes amis, etc. Et puis, et je regrette pas parce qu'en même temps, pour moi, ça me fait un souvenir. Oui. Ah oui. Puis qui, comme je te dis, le son est. Alors, figure-toi que je t'ai amené un autre cadeau. Ben voyons. C'est, oui. Je t'ai amené un CD, okay. Mais de deux titres. Ok. Regarde. Alors, ça, il est plus ancien, et c'est en studio. C'est deux chansons à moi. Ah ouais? Que t'as écrites? Au nom madame, tu la connais, parce qu'elle est... Oui. Mais l'autre, tu la connais pas. Ok. Elle s'appelle Mon amour. Et je suis accompagné par un orchestre de musique de chambre. Et ça, c'est en studio. Oh, merci. Voilà. Il y a combien d'années? Ah, il y a quand même... disons, bah, si tu regardes la pochette, tu vois, ça fait quelques années. Oh, mais parce qu'il n'y a pas la date, oui, oui, oui. Bah oui, il n'y a pas la date. Okay. À mon avis, il y a bien, oh, allez, je vais te dire, entre 10 et 12 ans. Voilà. Hey, merci. Oui. Ça, c'est un collector, c'est un... C'est collector. Hey, oui. Et je t'ai amené aussi, ben mais ça, tu l'as, je t'ai ramené un deuxième exemplaire du disque, oh. Parce que si un jour... Tu trouves un directeur d'un cabaret au Québec, etc. Oui. Tu lui donnes, oui. Et moi je viendrai volontiers chanter. Ah ben merci. Voilà. Parce qu'en même temps, l'autre, tu n'en as qu'un mais seul exemplaire. C'est bien, hein. Tu vois là? Oui. On voit les 12 ans. Oui, oui, oui, oui, oui. Mais c'est merveilleux, hein. C'est oui. La vie, c'est la vie. C'est la vie. La voix a changé peut-être aussi un peu. Eh ben, tout le monde me dit que j'ai gardé la même voix. Ok. Tu me diras. Oui, oui, oui, oui. Tu me diras. Oh, oui, oui, oui. Oui, merci. Il y en a un à 12 ans, baby. Merci. Et je te dis, si un jour, tu as l'opportunité de... Oui. Je sais pas, tu connais des gens de music hall, là-bas? Ben, de musique, music hall, non, mais de musique, oui. Donc, oh, oui, il y a des portes qui vont peut-être... Ah, mais je viendrai avec plaisir. Oui. Chanter là-bas, ah oui. Mais... Merci. Est-ce que vous avez un peu de pain, messieurs? Merci beaucoup. Un petit peu, oui, merci. Ouais, je viendrai, parce que premièrement... Je ne connais pas le Québec. Tu n'as jamais visité le Québec? Jamais. Jamais. Et c'est un endroit, c'est un pays qui m'attire assez. Et puis en même temps, savoir que les Québécois ont un tel respect de la langue française, ça me donne envie de les connaître. Merci. Mieux. De les connaître mieux, tu vois. Parce que moi, j'aime la langue française. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer, même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile, m'importe la chance, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se tanner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes s'éclabousseraient de bleu parce qu'un malheureux brûle encore, et bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre la sonde écartelée, pour atteindre l'inaccessible étoile. J'ai un projet qui me tient à cœur, là. J'ai une pièce de théâtre que j'ai co-écrite. Okay. On l'a écrite à deux. Et je l'ai proposée, je ne sais pas si tu connais cet artiste, à une artiste, une comédienne mythique qui a été une grande sociétaire de la comédie française, qui s'appelle Geneviève Cazil. Malheureusement, non. Eh bien, tu regarderas. Ouais, ouais. Geneviève Cazil, ouais, ouais. Tu regarderas sur Internet, tu verras la carrière incroyable, monumentale. Et elle m'a dit oui pour le jouer. Okay. Donc ça, c'est dans mes projets pour la rentrée. Alors, la rentrée, c'est bientôt, là. Ah oui, mais pour les démarches, parce qu'il faut trouver un producteur. Ok, et tu vois, tu as trouvé quelle pièce pour... Pour elle? Oui. C'est la pièce que j'ai écrite. Ok, ok, ok. Ah, tu l'as écrite? Je l'ai co-écrite, on est deux à l'avoir écrite. On l'a écrit à deux. Et c'est quoi, c'est un comédie, drame Alors, je vais te dire, je te donne même le titre. Oui. La pièce s'appelle... Madame de Talleyrand. De Talleyrand. C'est l'épouse de Talleyrand. Vrai, là, c'est véridique. Oui, c'est historique. OK. Et on la connaît pas, on la connaît peu, Madame de Talleyrand. On connaît évidemment Talleyrand, ouais, dans l'histoire de France, etc. Mais sa femme aussi, ça a été quelque chose. C'est un phénomène autant que monsieur. Autrement. Autrement, OK, oui, oui. Une femme, on ne se l'imagine pas, mais un peu légère aussi. Oui, OK. Oh. Oui. Donc, c'est en même temps, il y a des choses amusantes. Et historiquement parlant, c'est intéressant. Voilà. Et elle a accepté de le jouer. Alors, c'est toi qui fais la mise en scène? Oui. Okay. Oui. Et ce sera joué, tu ne sais pas dans quel théâtre encore? Ben non, okay. Parce que là, c'est, okay, on est à l'état embryonnaire. OK. Donc, je veux le jouer le plus longtemps possible. Ah ben oui. Puis peut-être à Avignon aussi l'année prochaine. Ah ben oui. Alors, peut-être pas l'année prochaine, parce que je ne sais pas si c'est une bonne idée l'année prochaine, parce qu'avec les Jeux Olympiques... Ah oui, ah oui. Il nous manquait que les Jeux Olympiques, oui, oui, oui, à Paris, oui, maintenant. Oui, oui, oui. Après le COVID... Après le bordel qu'il y a en ce, ouais, moment depuis, ouais, quelques nuits à Paris, ouais, quand, ouais, il va y avoir les Jeux Olympiques... Ouais, c'est épouvantable. Oui. C'est... Ils vont en profiter pour monter les billets d'avion, surtout. Là. J'ai appris un hôtel à Montparnasse. Ouais. Écoute bien ce que je te dis. Un hôtel à Montparnasse qui vient de fermer pour refaire tout, oh, intégralement. Hey. Ils vont payer pour, hein? Ça va être loué, la chambre, 1200 euros la nuit. Incroyable. Mais tu veux que je te dise? Ouais. Ce sera complet. C'est scandaleux. Puis même après les Jeux olympiques, le prix sera de 1002. Il y a des places, j'ai entendu à la radio. Bon, moi je regarderai à la télévision, tu te doutes bien que je ne vais pas me déplacer. Hein. Oui, oui. Mais j'ai entendu à la radio des places. Tu sais, ils veulent faire... Alors ça, il faut qu'ils fassent gaffe. Hein, oui. Parce qu'il faut une sécurité énorme. C'est vrai. T'as vu que normalement, le jour de l'inauguration... Il y a tous les athlètes qui défilent, mais qui finissent dans un stade, etc. Oui, oui, oui, oui, oui. Ils veulent les faire défiler sur la scène. Ah ouais, ça c'est fou. Ouais, mais j'ai vu aussi l'emplacement là, lorsqu'on est arrivé de l'aéroport vers ici. Là. Alors ça. Ouais. Ouais. Ça, Reynald, ça va être compliqué pour le plan de sécurité. Eh bien, il y a des places qui se louent. Je suis sûr que tu ne devineras pas. Écoute... 5 000 euros. Ah oui, ah oui. Tu dépenses 5 000 euros pour être là. Ouais. Mais ce sera sans doute des entreprises... c'est ça. Oui, exactement. Exactement. Alors, ce qu'on te souhaite, c'est la pièce que tu travailles actuellement. Oui, oui. Oui, oui. J'ai d'autres projets aussi, d'autres spectacles, mais pour le moment, tout est flou. Là, j'ai fait une bonne année, mais je vais vraiment m'atteler à cette pièce avec Geneviève Casile. Est-ce que tu prends des vacances? Fini. Terminé, oui, merci. Je ne bouge pas de Paris au mois d'août et au mois de juillet. OK. Alors, pas de vacances. Merci. Est-ce non. que vous désirez autre chose si vous ne bougez pas? Moi, c'est terminé. Non. On se prend un petit café ou pas? J'ai pas le temps. Bon, t'as pas le temps. Désolé. Rien. Oui, y a pas de... non, je vais faire... Non, parce que... Tu peux prendre un café. Hein? Non. Je t'aime cette nuit, je t'aime au petit jour. Je t'aime à contre-vie, je t'aime mon amour. Je t'aime contre moi, je t'aime contre toi. Je t'aime à contre-touche, je t'aime à contre-loi. Tu m'aimes cette nuit, tu m'aimes au petit jour. Tu m'aimes à contre-pli, tu m'aimes mon amour. Tu m'aimes à contre-dent, tu m'aimes à contre-sang. Tu m'aimes à contre-souffle, tu m'aimes à contre-vent. Mon amour. Je t'aime au petit jour. Je t'aime à contre-lit, je t'aime mon amour. Je t'aime à contre-drap, je t'aime au fond de toi. Je t'aime à contre-rein, je t'aime à quatre mains. On s'aime cette nuit, on s'aime au petit jour. On s'aime loin de nous, on s'aime mon amour. On s'aime à contre-dos, on saigne à contre-peau. On s'aime maintenant, on s'aime à contre-temps. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Mon amour. Je suis en train d'écrire un livre. Ok. J'ai un éditeur qui m'a demandé de faire ma biographie. Donc je suis en train de l'écrire. Et j'ai du mal à l'écrire, faute de temps. Donc je me suis dit juillet et août. Ah, alors là tu es en plein dedans là. Je commence. Okay. Je continue. Ok. Voilà. Et tu veux raconter toute ta carrière? Ouais. Oh, j'ai hâte de... Ouais. Tu vas me faire signe parce que je veux l'acheter. Ah mais attends, il n'est pas encore non, sorti. Non, c'est ça, oui. Mais t'as combien de pages à peu près? Ben là, j'en suis au tiers. Ok, ah, mais j'en suis au tiers et tu vois... Oh, à l'ancienne, oui. Ah oui, j'écris à la main. Oui. Tu vois, avec vraiment, des à l'ancienne. Avec des ratures, oui. Voilà, machin. Et c'est sur quelle, édition? L'éditeur qui va m'éditer, qui me l'a commandé, c'est la librairie théâtrale. Mais c'est quand même flatteur de se faire commander oui. une autobiographie. Oui, c'est chouette. Hein? Alors au début, je me suis dit, je vais demander à quelqu'un ouais. qui l'écrit pour moi, puis il va m'interviewer. T'sais. On a fait un essai. Ça ne fait pas, non? Mais non, parce qu'il ne retranscrivait pas. Mais en même temps, tu veux toi-même amener ce que tu as vécu. Donc, celui qui te représente n'aura jamais la même vision que toi. Les anecdotes, il n'y a que moi qui peux les raconter. Parce que tu peux connaître l'aboutissant aussi de l'anecdote. Ben oui. Ben, je te souhaite, écoute, je te souhaite... Je te remercie. Tu as coupé, là, ça y est? Non, pas du tout. Non? Non, non, on va prendre des photos. Ah, tu veux que je coupe? Non, ben, je vais dire au revoir aux auditeurs. Ben oui. Ravi, et puis j'espère un jour avoir le plaisir, vraiment, de connaître le Québec. Ben écoute, on va t'ouvrir les portes. Voilà. Et... ça me ferait vraiment plaisir de... Mais j'aimerais y venir, non pas en touriste, j'aimerais bien venir y chanter. Oh oui. Ouais. Quelque chose. Par exemple, les chansons sur Paris. Ouais. Je ferais bien un tour de chant. Là. Effectivement. Ben le disque qui est extraordinaire. Parle-en autour de toi. Oui, oui, oui, oui, oui. Mais écoute, l'idée est lancée. L'idée est lancée. Voilà. Voilà. Merci de ton rancœur. De Merci. Ta disponibilité. Merci à toi, Reynald. Ben écoute, tu es merveilleux. Et puis là, on a parlé plus longtemps. Tu es rayonnant, habillé en jaune, là, tu attires le soleil. C'est fabuleux. Il est là aujourd'hui. Ben oui. Et puis à la revoyure. Hein. À la revoyure? Ben oui. Mais déjà, dans quelques mois, j'écouterai ce que tu souhaites. Ah oui, effectivement. Ah oui. Et je te ferai signe. Là, tu as de quoi en faire deux, trois? Trois. Trois. On va voir. Peut-être deux ou trois, mais parce que là, je dois couper à un endroit précis. Et je vais évaluer. Mais d'accord. Normalement, c'est deux. Ou toi. D'accord. OK. Merci. De rien. À la revoyure. À la revoyure. Ça, c'est un filtre qui enlève les bruits de... Oui. C'est un micro croisé. Donc, la voix qui est prête est centralisée et le reste, ce n'est que son ambiant. Mais là, surtout ici, c'est très tranquille. On est dans un cas. On est plus tranquille que l'année dernière. C'est vrai, hein? C'est vrai, oui. Oui. Oui. Parce que l'année dernière, on était sur le passage. Oui, effectivement. Oui, c'était plus. Oui. Il y avait beaucoup de monde, c'était un samedi. Donc là, c'est plus tranquille. Là, je vais en profiter pour changer mes piles. Oui, alors écoute. Oui. La première partie, tu la coupes. Oui, oui, oui. Parce que oui. J'ai trop parlé de politique. Il n'y a pas de problème. Non, mais je ne voulais pas non plus que ce soit entendu parce que je voyais que. En plus, peut-être que l'écho ne sera plus là lors de la diffusion. Ah, ben ça. Ah, hein, ce sera terminé. Ben j'espère. Oui, ce sera terminé. Ah, ben oui. Ben normalement, ça devrait être terminé dans quelques jours. Oh. Oui, alors ça ferait un vieux truc. Puis là, surtout que j'ai été invité pour voir une pièce sur Durance. Oui. À Paris. Oui. Mais s'il y a le couvre-feu, je ne pourrais pas y aller. Mais il y a encore le couvre-feu, là? Ben, il me semble que oui, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, s'il y a le couvre-feu. Je suis dans la merde. Bon, alors là, t'as encore... Oui, je m'en vais voir un chanteur. Le prochain, là? Oui. T'as rendez-vous à quelle heure? Qui a eu le 14h30. Oui, on est là. Il est 14h30. Oui, je sais. Qui a eu le prix Charles Cros. Ah, le prix de l'Académie Charles Cros. Oui. Bravo. Oui. Et donc, je le rencontre, un être extraordinaire qui m'a été présenté par quelqu'un l'année dernière. Il est venu faire un mini-concert... sur un banc public. D'accord. Donc, il m'a remis son prix, son disque, le prix Charles Cros. Et donc, j'ai bien hâte de le rencontrer parce qu'il était lui aussi de passage, un peu comme une tornade. Tu,